Chapitre 26. Journaliste. Ventras, pourquoi ne te fais-tu pas journaliste ? J'ai essayé. Je suis parvenue à avoir ce que j'ai rêvé si longtemps, une place de teneur de copie. On me trouve bien vieux, bien fort pour ce métier de moutard. On n'a besoin que d'un gamin pour prendre l'article et le lire au correcteur, pendant que celui-ci, suivant sur l'épreuve, voit s'il n'a rien laissé passer et si l'imprimé correspond phrase par phrase, mot par mot au manuscrit. Je suis forcée de cacher mon âge et on me regarde comme un phénomène. Il n'a donc pas d'autre état ? Il est donc bien pauvre ? Oui, je suis bien pauvre. Non, je n'ai pas d'autre état. J'ai obtenu la place par un ancien maître d'études de Nantes qui est l'ami d'enfance du rédacteur en chef. Il est un peu fier de me prouver son influence et heureux aussi, c'est un brave homme, de m'aider à gagner quelques sous. J'ai 30 francs par mois, c'est mon chiffre. Dans le journalisme ou l'enseignement, je vaux 30 francs, pas un sou de plus. Ma mère avait raison de dire que j'étais un maladroit. Je fais mal mon métier. Je confonds les articles, je mêle les feuillets, je lis trop vite, quelquefois trop lentement. Le correcteur est un homme laid, chagrin, un vieux fruit sec, qui me traite comme un mauvais apprenti. J'ai une grosse voix, malheureusement, et il m'échappe des éclats qui sonnent comme de la tôle battue, tout d'un coup dans le silence de l'imprimerie. On se retourne, on rit, on crie. Pas si fort, le teneur de copie. Puis j'ai des distractions qui me font oublier de lire des membres de phrases tout entiers, et c'est à recommencer. À la grande colère du correcteur. À la grande fureur souvent de l'écrivain à qui je fais dire des bêtises et qui vient le soir se fâcher tout haut. Si c'est un crétin, qu'on le jette dehors. Les rédacteurs vont, viennent, je veux voir leur visage, savoir leur nom. Un grand, roux, avec un signe sur la joue, qui a de si longues jambes et qui tutoie tout le monde, c'est Nadar. Et celui-ci, encore un roux, mais rond, Boulot, le teint d'un Normand, favori de sable et d'Anjou, joints en pelure d'oignon, à Guérou et d'autres. Je ne fais pas l'affaire décidément. On me met à la porte après 13 jours et on prend un gamin de 12 ans qui n'a pas une voix de trombone et qui ne se donne pas de torticolis à dévisager les auteurs. J'ai été tellement ridicule avec ma timidité, mes rougeurs, mes explosions de voix, ce torticolis, que je n'ose pas passer de 2 mois dans la rue Coq et Rond. J'ai bien débuté dans les imprimeries. Oh, 100 000 paletots. Il vient de me venir une chance. J'ai un protecteur. C'est le gérant des 100 000 paletots. La grande maison de confection de Nantes. Il habille un de mes anciens camarades de classe. Ce camarade m'écrit. « Va voir Monsieur Guyard des 100 000 paletots. Il est à Paris pour ses achats. Tu le trouveras passage du Grand Cerf à la maison mère. Il y a un paletot en fer blanc et de grandes affiches devant la porte. Il peut être utile pour le journalisme. » Je me rends passage du Grand Cerf. Voilà le paletot en fer blanc et les grandes affiches. Je rôde devant le magasin, n'osant entrer. On m'entoure. Monsieur a besoin d'un vêtement. Il y en a pour toutes les bourses. La vue ne coûte rien. Prenez toujours des cartes de la maison. Je me décide à dire que je viens voir Monsieur Guyard. Monsieur Guyard paraît. Que voulez-vous ? C'est mon ami, Monsieur le Roi, qui... Ah bien! Vous voulez écrire, il m'a dit ça. Du nom! Il appelle un homme gros, en sabots, avec une casquette en passe-montagne. « Du nom, voici un jeune homme qui voudrait noircir du papier. »« Est-ce pour les affiches ?»« Je ne sais pas. » »« Aimeriez-vous à rédiger des affiches ? Sauriez-vous faire des choses comme ça ?» Il me montre un placard. « Non, je ne saurais pas faire des choses comme ça. » « À quoi ça m'a-t-il donc servi de faire toutes mes classes ?» Celui qu'on a appelé Dunant voit parfaitement mes gestes d'inquiétude. « Ah, ce serait pour chroniquer dans le Pierrot !» Le Pierrot est le journal appartenant aux 100 000 paletots. On le vend à la porte des théâtres. Il donne à la fois le programme des spectacles et les prix de la maison. Grand déballage de pantalons de Lasting 14. Grand succès de Monsieur Mélingue. Un vêtement complet pour 19 francs. Demain, reprise de Gaspardo le pêcheur. Il y a des comptes rendus des premières représentations et des articles de genre. Tous les articles de genre contiennent une phrase au moins sur les 100 000 paletots. Les comptes rendus des premières contiennent des attaques sourdes contre les tailleurs sur mesure, qui, sous prétexte d'élégance, mettent sur le dos de quelques acteurs des modes qui déconcertent les yeux du public. Et font, avec un sifflet d'habits biscornus ou un revers de redingote exagéré, perdre le fil de la pièce. On m'a confié un article à faire. J'ai eu du mal à défendre la confection au bas d'une colonne. Je l'ai défendu tout de même, et j'ai réussi à annoncer en même temps un déballage. J'avais à analyser un drame de Monsieur Anicet Bourgeois. L'article doit paraître jeudi. Jeudi, je me suis levée à 5 heures du matin. Je vais m'asseoir sur une borne, d'où l'on peut voir le coin de la maison où le Pierrot s'imprime. 5 heures. 6 heures. 7 heures. 8 heures. J'ai la fièvre. Comme la borne doit être chaude. Monsieur, dis-je à un homme qui a l'air d'être de l'imprimerie, « Savez-vous où l'on fait le Pierrot ?» Il n'est pas de l'imprimerie et croit que je l'appelle Pierrot. Nous avons été sur le point de nous battre. Le Pierrot a fini par paraître. Je l'achète au premier porteur qui sort et je cherche. Programme, déballage, pantalon, biographie de Monsieur Hyacinthe, vêtements de première communion, drame de Monsieur Anicet Bourgeois. Une colonne et demie. Et au bas, la signature que j'ai adoptée, celle de ma mère. J'ai voulu placer mes premiers pas dans la carrière sous son patronage et j'ai pris chastement son nom de demoiselle. Mais on a mutilé ma pensée. Il y a une phrase en moins. Cette phrase en moins était justement celle à laquelle je tenais le plus. J'avais écrit l'article pour elle. C'était le coup de poing de la fin. Je la sais par cœur, je l'avais tant travaillée. Je m'étais couchée et j'avais mis mon front sous les draps en fermant les yeux pour mieux la voir. Je donnais la moralité. Ainsi finissent souvent ceux qui brûlent leur vaisseau devant le foyer paternel pour se lancer sur l'océan de la vie d'orage. Que j'en ai vu trébucher. Parce qu'ils avaient voulu sauter à pieds joints par-dessus leur cœur. Ont-ils su au journal que je n'ai jamais vu personne sauter par-dessus son cœur? Cette image de gens apportant leur vaisseau pour les brûler devant leur maison et s'embarquant ensuite, leur a-t-elle paru trop hardie? Sont-ils des classiques? Je me perds en suppositions. Nous le saurons en allant me faire payer. On m'a dit... Vous passerez à la caisse samedi. J'aurais donné l'article pour rien. Presque tous les débutants sacrifient le premier fruit de leur inspiration. La revue des deux mondes ne paie jamais le premier article. Le Pierrot paie. Mais je suis peut-être le seul à qui cela arrive depuis que Pierrot existe. J'ai fait sensation, sans doute. On a enlevé la phrase sur les vaisseaux et les pieds joints. Ce n'est pas une raison pour qu'on ne l'ait pas remarquée. et ils tiennent probablement à m'attacher à eux. Ils font des sacrifices d'argent pour cela. Je ne puis refuser cet argent. D'ailleurs, il me servira à payer un raccommodage que m'a fait un petit tailleur. Je ne veux pourtant pas avoir l'air trop pressé et paraître entré dans les lettres pour faire fortune. Je flâne un peu le samedi au jour fixé avant d'aller toucher le paiement de ma copie. Il ne faut pas non plus les faire trop attendre. J'entre dans le bureau. Le bureau est un petit trou noir à côté de l'endroit où l'on met les rossignols. Je demande le rédacteur en chef, l'homme aux sabots et aux passe-montagnes. « Monsieur Dunant-Mousseux. » « Il n'y est pas, me dit un homme, mais il m'a prié de vous remettre le prix de votre article. » Et il me tend un paquet ficelé. « Un billet de banque ? Mais c'est trop, c'est vraiment trop, un gros paquet comme ça pour un article de 2 colonnes. Enfin. Mais j'oubliais, monsieur Dunant-Mousseux a laissé une lettre pour vous. Voyons la lettre. Cher monsieur, le secrétaire de la rédaction vous remettra le montant de votre article, 6 joints un pet en l'air. J'aurais voulu faire mieux, nos moyens ne nous le permettent pas. Il a même été question de ne vous donner qu'un petit gilet. J'ai eu toutes les peines du monde à obtenir le pet en l'air. Mais travaillez, monsieur, travaillez, et nul doute que vous ne vous éleviez avant peu jusqu'au par-dessus d'été et même au paletot d'hiver. En vous souhaitant sous peu un joli complet, Dunant-Mousseux. Fallait-il refuser ? Après tout. Mieux vaut aller en pétant l'air qu'en bras de chemise. J'emportai le paquet, et ce petit vêtement me fit beaucoup d'usage. Je n'ai pas encore touché un sou en monnaie de cuivre pour ce que j'ai écrit. J'ai gagné une paire de chaussures dans le journal de la cordonnerie pour un article sur je ne sais quoi, sur la botte de Bassompierre, si je m'en souviens bien. On m'a remis une paire de souliers, presque des escarpins. « C'est assez pour faire son chemin, » m'a dit le rédacteur en chef, un gros, large, fort et joyeux garçon qui mène de pair la tannerie et la poésie, le commerce de cuir et celui des muses. Ces souliers m'ont en effet aidé à aller quelque temps. Comme ils avaient craqué, j'ai été au bureau du journal en offrant une nouvelle à la main, si l'on voulait mettre une pièce. On ne met pas de pièces, on ne fait pas les raccommodages. Si je veux ajouter à ma nouvelle à la main un entrefilet de quelques lignes, on me donnera des pantoufles claquées. C'est tout ce qu'on peut faire. Et je ne me serai pas dérangée pour rien. J'accepte. Et bien m'en a pris. Je me suis promenée avec ces pantoufles-là pendant toute une saison. Je suis allée de Montrouge au Gros Caillou, où j'avais des amis dans une petite crèmerie. Je me mettais en négligé, j'avais l'air de rester au coin et de baguenauder comme en province, sur le pas des portes. Je voudrais bien avoir tous les jours des pantoufles pour un entrefilet et une nouvelle à la main. D'autre part, la pantoufle a bien ses inconvénients. Je n'osais plus élever la voix dans les discussions. Je n'osais plus passer dans les endroits où l'on se disputait. Moi, qui les aimais tant jadis, je devenais vile, je tournais à la lâcheté. C'est que, si j'avais eu une querelle avec des pantoufles, le coup de pied qui est mon fort m'est défendu. Ce n'est pas la peine de taper sur le tibia, je ne le casserai pas, ni d'enfoncer comme je le faisais autrefois mon soulier dans le ventre. Ce n'est pas la peine. Je me rouille et je vais le long des maisons comme un chat qui évite la pluie. Je n'ai pas encore reçu de volée. J'en recevrai à tout coup maintenant si je me battais avec des gens en souliers. Je fuis les gens en souliers. Il y en a beaucoup. Un pet en l'air et une paire de chaussures. Je m'y habitue. si je trouvais maintenant un chemisier et des chapeaux. Pour le logement, il n'y a pas à y compter. Il faut être dessinateur. Bourgachard a crédit pour quelque temps dans tous les hôtels parce qu'il dit qu'il fera des caricatures dans les coins les plus reculés. Ça le fait connaître. Aussi, on a le temps de penser à lui. Mais la littérature, je ne pourrai jamais échanger de la copie contre une quinzaine de chambres. Il ne faut pas désespérer de la Providence. On m'a présenté à un monsieur qui m'a vu en pantoufle et qui, tandis que les autres s'étonnaient, a dit « Mais je sais pourquoi il a des pantoufles. » « Ah, il a des détails là-dessus. » On a fait cercle. « C'est parce qu'il n'a pas de souliers. » Il est fort et l'on dit en effet qu'il est un des annonciers d'avenir sur la place de Paris. « Vous crevez la faim, n'est-ce pas ?»« Mais non. Ah, pardon, j'ai justement des souliers aujourd'hui. Prenez garde, je n'aime pas qu'on mette le doigt sur ma pauvreté. Je vis de mon travail, monsieur. » Il n'est pas mauvais homme et m'a demandé très rondement pardon de sa brutalité, tout en me priant de lui apprendre quel était le travail si mal payé qui m'obligeait à aller en pantoufles, de Montrouge au Gros Caillou, à me promener en babouche dans la vie. « Vous ne pouvez pas sortir par les temps de pluie. Voulez-vous pouvoir sortir même par la pluie ?»« Il me semble que je donnerais un volume pour cela. Et il m'est défendu de sortir par les temps humides. Je ne connais que la vie à sec. Je n'ai pas depuis 2 mois pu suivre un jupon troussé, un bas blanc tiré comme j'en suivais les jours d'orage. Ma vie d'ermite me tue et je voudrais des chaussures à talons pour mon pauvre cœur. Eh bien, je vous donnerai des bottes, des chapeaux, des chemises comme à la foire de Beaucaire. Parlez. Voici. Je veux fonder un journal d'élégance pour l'annonce. Vous y rédigerez la chronique du grand monde. Et je rédige la chronique du grand monde pour 20 francs par mois d'argent comptant, rubis sur l'ongle, qui ne doivent pas un sou à personne. Puis le tailleur m'habille, le bottier me chausse, le chemisier m'enchemise. Je suis couvert de parfums, mais je ne mange que des conserves. Le journal n'en est pas à m'ouvrir les portes des restaurants. Les restaurants ne tiennent pas à être annoncés dans la Gazette du Grand Monde. S'il y en a quelques-uns qui s'y risquent, c'est le rédacteur en chef qui en profite. Mais il y a surtout une raison grave pour que je ne fréquente pas les Maisons Dorées, ni Bréban, ni le Grand 16 du Café Anglais. Dans mes chroniques, je jette les louis par les fenêtres comme des haricots. Je sable le champagne comme un russe. Je raie avec un diamant les glaces des cabinets à la mode. Et je parle de mon grand trotteur, une sacrée bête, pardon, monsieur le comte, dont je ne peux pas venir à bout. Si j'allais dans les restaurants bien, le patron me montrerait au viveur en disant « Voici le vicomte de... » Et il faudrait tenir le dé, raconter mes bonnes fortunes et faire 25 louis sur la main du grand chose ou de la petite machin et se déboutonner, nom d'un gentilhomme. Je ne puis pas me déboutonner. Nous n'avons pas encore mis la main sur un marchand de bretelles qui voulut se faire annoncer. Et j'ai fait des bretelles avec des ficelles nouées au bouton. C'est même gênant quelquefois. Je n'ai que la ressource du comestible en boîte. Nous avons une annonce d'un sardinier qui n'est pas chien avec moi, pourvu que je parle de lui dans ma chronique. C'est assez difficile. Je suis forcée d'inventer des histoires tirées d'une longueur. C'est généralement d'un fils de famille qui s'est engagé et qui revient en congé. Sur le boulevard, un de ses amis l'accoste. « Tiens, déjà caporal ?»« Oui, mon cher, la sardine. la sardine comme celle que nous mangions quand je finissais mon oncle, la sardine régence, la sardine du grand monde, la sardine, ici le nom du sardinier. Maintenant, termine-t-il avec un éclat de rire, la sardine Bugeaud. Et pour les timbales de thon, qui est-ce qui donne le thon maintenant? Voilà 10 mois que je n'ai pas quitté le château. Qui est-ce qu'il donne? Toujours la grande Clara. Qui est-ce qu'il vend? Toujours un tel. Je ne mets ces choses sur le papier qu'avec un sentiment profond de mon infériorité, la rougeur au front. Je tire les rideaux pour qu'on ne me voie pas. Mais j'en vis. C'est même échauffant au possible. Toujours des conserves, jamais de viande fraîche. Heureusement, la parfumerie donne énormément à la 4e page, et j'ai toutes espèces d'eau pour rincer mon sel. Je me gargarise comme on dessale de la morue. Ma chambre sent la mer malgré tout, et ressemble avec ses boîtes à conserve à la cabine du cuisinier sur un paquebot qui fait le tour du monde. Je trouve un soir une lettre près de mon chandelier. Je fais sauter le cachet. Ma Toussaint, que je n'ai pas revue depuis des siècles, est rédacteur de La Nymphe. Il m'écrit pour m'en avertir, lettre simple, point écrasante, qui ménage mon obscurité. Je me rends au bureau de La Nymphe. C'est près des boulevards, de l'autre côté de l'eau. Heureux ma Toussaint. Passer les ponts, tiré du néant, parti pour la gloire, à mi-côte du Capitole. La maison est d'honnête apparence, sur le côté, une plaque avec ces mots. La Nymphe, journal des baigneurs, 2e porte à gauche. Je monte au 2e et trouve une autre plaque. Bureau de rédaction, de 11h à 4h. Tournez le bouton, SVP. Je tourne et m'y voici. Comme il fait noir, les volets sont baissés, les rideaux tirés, pas un chat. J'entends un bruit de paille. « Qui est là ?» dit une voix qui vient d'une autre chambre et n'est pas reconnaissable. Je ne suis pas sûre que ce soit celle de ma Toussaint. J'ai recours à un subterfuge et avec l'accent d'un pauvre aveugle, je chante dans l'obscurité. « Je suis un abonné de La Nymphe. »« Vous êtes l'abonné de La Nymphe ?» Le bruit de paille et des paroles entrecoupées recommence. « L'abonné ! L'abonné ! Mais où est donc mon caleçon ? L'abonné ! » Ma Toussaint, c'est bien lui, apparaît en se boutonnant. Comment ? C'est toi ? Tu ne pouvais pas te nommer tout de suite ? Tu me fais croire que c'est l'abonné ? Je me disais aussi, ce n'est pas sa voix. Ils n'ont pas tous la même voix, tes abonnés ? Mes abonnés ? Pas mais, mon. Nous avons un abonné, rien qu'un. Et passe donc dans l'autre pièce. Assieds-toi sur le bouillon. Il y a des paquets de journaux par terre. J'ai le séant sur la vignette. Lui, il s'élance contre le mur et grimpe jusqu'à une soupente bordée de maïs et qui a une odeur de chaumière indienne. Une odeur d'enfermé aussi. Ma Toussaint demeure là. Le reste de l'appartement appartient au journal. Ce coin est le logement du secrétaire de la rédaction. Il est chez lui dans cette soupente. Il peut y recevoir ses visites particulières. Ma Toussaint me conte l'histoire de La Nymphe, journal des baigneurs. C'est une feuille d'annonce qui vit, ou plutôt qui doit vivre, de publicité, comme le Pierrot, mais avec une idée de génie. L'idée consiste à donner pour rien aux maisons de bain une feuille que le baigneur lira en attendant que son eau refroidisse, que sa peau soit mûre pour le savon, que ses corps soient attendris et qu'il puisse les arracher avec ses ongles. On pouvait laisser traîner les coins du journal dans l'eau, C'était un papier étoffe qui ne se déchirait pas et ne s'empâtait point. « Crois-tu ? » disait ma Toussaint en se posant le doigt sur le front comme un vilebrequin. « Crois-tu qu'il y avait là une pensée grande ? » Malheureusement, le siècle est à la prose. L'homme de génie est un anachronisme. Puis le pouvoir a démoralisé les masses. On ne se lave plus. Les riches vivent dans la corruption. Les pauvres n'ont pas de quoi aller à la Samaritaine. Oh, l'Empire ! Les rédacteurs arrivent à ce moment. Ils causent, on me laisse de côté. Cependant, à la fin, celui qui a l'air d'être le chef se penche vers ma Toussaint et lui demande qui je suis. Et il dit, après l'avoir écouté, « Mais il pourrait faire notre affaire !» Je saute sur ma Toussaint dès qu'ils sont partis. « Il t'a parlé de moi ?»« Oui, tu peux entrer dans le journal, si tu veux. » « Déjà ? Sur ma mine ? Je fascine, décidément. »« Voici, reprend ma Toussaint, nous avons besoin de quelqu'un qui aille dans les bains demander la nymphe, et qui, si on ne l'a pas, se fâche et crie « Comment, vous n'avez pas la nymphe ? Tous les bains qui se respectent ont la nymphe !» Tu fais alors sauter l'eau avec tes bras et tu te rhabilles avec colère. Je ne suis pas très flattée. Ma Toussaint s'en aperçoit. Tu ne peux pas non plus d'un coup arriver à l'académie. Non, c'est vrai. À ta place, j'accepterai. Il faut bien commencer par quelque chose. J'accepte. Je deviens demandeur de nymphes. La caisse du journal me paie mon bain, avec 2 œufs sur le plat ou une petite saucisse, pour que je déjeune dans l'eau et aie le temps de causer avec le garçon. Je mange ma petite saucisse ou je mouille mon œuf et je dis d'un air négligé quand j'ai noyé le jaune qui est resté dans ma barbe. « La nymphe, maintenant !» Et si la nymphe n'y est pas, elle y est rarement. Je fais sauter l'eau avec mes bras et je sors brusquement, tout nu, de la baignoire. On me l'a bien recommandé. Je fais ce que je peux. Je passe ma vie à me déshabiller, à me rhabiller. Je détermine 2 abonnements. Mais ce n'est pas assez pour faire vivre le journal. Et l'on trouve que je suis bon à rien, que je ne suis pas propre à ma mission. Je suis bien propre, cependant. Si je n'étais pas propre en me baignant si souvent, c'est que je serais un cas médical bien curieux. Je quitte le peignoir de demandeur de nymphes, emportant avec moi pour un temps infini l'horreur de l'eau chaude, et criant souvent au milieu des conversations les plus sérieuses « Garçon, un peignoir !» par habitude. Je communique mes réflexions de baigneur en retraite à un vieux qui a accès dans les bureaux de quelques journaux par la porte des traductions. Il me dit que c'est l'histoire de bien d'autres. On ne sent pas partout le poisson ou le savon, mais on avale bien des odeurs qui soulèvent le cœur. Allez. Il me fait presque peur, ce vieux-là. Il demeure pas loin de chez moi. Je le rencontre quelquefois, toujours à la même heure. Il y a 1 semaine que je ne l'ai vu. Qu'est-il devenu ? J'interroge la concierge. Vous ne savez donc pas ? Il y a 8 jours, il est rentré, l'air triste. Il a embrassé mon petit garçon en me demandant quel état je lui donnerais. Lui donnerez-vous un état, au moins ? On aurait dit qu'il tenait à le savoir. Il est monté et il n'est pas redescendu. Ne le voyons plus, nous avons frappé à sa porte. Pas de réponse. Mon mari a forcé la serrure et nous sommes entrés. Il était étendu mort sur son lit, avec un mot dans sa main qui était déjà couleur de cire. « Je me tue par fatigue et par dégoût. » Journal des demoiselles. Boulimier, un de nos anciens camarades de l'hôtel Lisbonne, est entré comme correcteur chez Firmin Didot. Il glisse de temps en temps une pièce de verre dans la revue de la mode. Il veut bien essayer de faire passer une nouvelle de moi. J'ai beaucoup de barbe pour écrire dans le journal des demoiselles. Elle traîne sur mon papier pendant que je fais des phrases. Quel sujet vais-je prendre? Mes études ne peuvent pas m'aider. Il n'y a pas de demoiselles dans les livres de l'Antiquité. Les vierges portent des offrandes et chantent dans les chœurs, ou bien sont assassinées et déshonorées pour la liberté de leur pays. J'ai cherché mon sujet pendant bien longtemps. Vous devriez faire le roman d'une canéphore, me souffle un agrégé en disgrâce pour ivrognerie. Mais je ne sais plus ce que c'est qu'une canéphore. Si tu parlais d'une bouquetière, me dit Maria la toquée qui fait des vers. C'est une idée, viens que je t'embrasse. Je préviens Boulimier. Il me répond courrier par courrier. À quoi pensez-vous? Voulez-vous donc encourager les filles de nos lectrices à courir après les passants dans les rues et à leur accrocher des œillets à la boutonnière? Où avez-vous la tête, mon cher Vintras? Que personne ne se doute chez Didot que vous avez eu cette idée-là. Si on savait que je vous fréquente, je perdrais ma place. Je lui réponds qu'il se trompe et j'explique mon plan. Je voulais peindre une petite orpheline qui, se trouvant seule au cimetière quand les fossoyeurs sont partis après avoir enterré sa mère, cueille des fleurs sur la tombe de celle qui n'est plus. La nuit venue, elle les vend pour acheter du pain. Elle fait tous les cimetières de Paris, bien triste naturellement. Elle se suffit avec ça. Un soir enfin, elle trouve un vieux monsieur qui est frappé de voir une bouquetière offrir des fleurs avec des larmes dans la voix et une branche de saule pleureur dans les cheveux. Ma bouquetière a toujours une branche de saule pleureur sur sa petite tête d'orpheline. Il lui demande son histoire. Elle la lui raconte en sanglotant. Ce monsieur l'adopte, lui fait apprendre le piano, et puis la marie richement. Vous le voyez, mon cher Boulimier, c'est la bouquetière prise à un point de vue émouvant et, j'ose le dire, assez nouveau. Je trouve le lendemain une note de Boulimier. Je vous avais calomnié, je vous en demande pardon. En effet, il y a quelque chose à faire avec cette idée touchante d'une orpheline qui ne vend que des fleurs de cimetière. Mais avez-vous songé à l'hiver? Que vendra-t-elle l'hiver? Les mères se demanderont où couche votre héroïne. Est-elle en garnie ou dans ses meubles? On ne loue pas facilement, vous savez bien, aux orphelines de 8 ans. Je ne vois pas comment vous pourriez traiter cette question de logement. La passeriez-vous sous silence? Oh, mon ami, ne pas dire ce que la petite cimetierette, je vous félicite sur le choix du nom, fait quand les boutiques sont fermées. Monsieur Didot me renverrait, je vous assure. Je ne puis pourtant pas lui faire perdre son emploi. Eh bien, je m'en vais tout simplement raconter une histoire que j'ai vue. Une petite fille était toute seule dans la maison pendant qu'on enterrait sa mère qui était morte de faim. On avait prié une voisine de veiller sur la petite, mais la voisine s'était enfermée avec son amoureux. La petite, en jouant, a roulé sur les marches de l'escalier et s'est cassée la jambe. On a dû la lui couper. Elle marche maintenant avec une jambe de bois dans les rangs de l'hospice des orphelines. Boulimier ne m'a pas écrit. Il est venu lui-même, en cheveux et tout bouleversé. Ça a été une scène. Vous voulez donc appeler aux armes, exciter les pauvres contre les riches? Et vous prenez le journal des demoiselles pour tribune. Pourquoi ne pas proposer une société secrète tout de suite, ou bien défendre l'union libre? Il faisait peine à voir. Il a repris l'omnibus, plus calme. Je lui ai dit que je gardais mes convictions, que je restais républicain, mais je lui ai promis que je n'appellerai pas aux armes dans le journal des demoiselles. Il a été bon comme un frère. Il m'a tout pardonné. Il m'a lui-même trouvé un sujet. Il m'en a envoyé le canevas. Sujet d'article pour le journal des demoiselles. La tête d'Edgar. Une famille est rassemblée autour d'un berceau. Le père arrive. Est-ce une fille? Est-ce un garçon? Passez légèrement là-dessus. C'est un garçon. Comme il a une grosse tête, mon petit frère! On s'aperçoit en effet que le nouveau-né a une tête d'homme. Le médecin consulté appelle le père dans la chambre à côté. Le père le suit, reste quelque temps avec le docteur et reparaît. Il a l'air abattu. Il fait un signe au domestique. « Que tout le monde sorte !»« Marie, dit-il à la mère, notre enfant est hydrocéphale !» Voilà la première partie. Dans la seconde partie, l'enfant à grosse tête grandit. Le père est bien triste, mais la mère est un ange de dévouement et de tendresse pour le petit qui a la tête en ballon. « Il y en a plus à aimer, dit-elle. Je vous donne le mot comme il me vient, vous en ferez ce que vous voudrez, je le crois bon. » Le geste du bras, qui se trouve être trop court pour embrasser toute la tête, peut arracher des larmes. Vous établirez un contraste entre le dévouement des pères et mères et la froideur d'un oncle, qui trouve que cet enfant est plutôt une gêne pour la famille. Il vaudrait mieux qu'il remontât au ciel. On pourrait le vendre à des médecins. Vendre mon fils? Vous voyez la scène. Tout d'un coup, un collégien saute dans la chambre. C'est le fils aîné de la famille. Il était en pension, boursier. Mettez boursier, cela fait bien, dans un petit collège du Midi. Il ne venait pas en vacances parce que c'était trop cher. Il a enfin fini ses classes, on ne l'attendait pas. Il ne devait passer son bachot que 3 mois plus tard. Mais il a ménagé cette surprise, et le voici. Il a tout entendu, caché derrière la porte, et il va droit à son oncle. « Non, mon oncle, nous ne vendrons pas mon frère. Il ne s'appelle pas Joseph. » Se tournant vers son père, « Comment s'appelle-t-il ? » Je crois ce mouvement heureux, parce qu'il double le mérite de ce frère aîné qui va se dévouer à son frère, sans même savoir son nom. On lui apprend qu'il s'appelle Edgar, et il continue. « Je voulais être avocat, j'avais rêvé les palmes du barreau. » Avec mélancolie. « La tête de mon frère m'impose d'autres devoirs. Je me ferai médecin. » Indiquer qu'il avait toujours eu de l'horreur pour ce métier. Ça le dégoûte, la médecine. Mais il a conçu dans sa tête, de taille moyenne, le projet de se vouer à l'étude des têtes grosses comme celle de son frère. Qui sait, ne peut-on pas les diminuer? N'est-ce pas une enflure provisoire? Peut-être un dépôt seulement? Ce n'était qu'un dépôt. Le frère héroïque a pâli, penché sur les livres. Il résulte de ses études qu'il y a des enfants qui paraissent hydrocéphales et qui ne le sont pas. C'est l'histoire d'Edgar. Edgar qu'on revoit avec une petite tête à la fin. Le frère aîné, lui, a pris goût à ses travaux qu'il n'avait entamés qu'avec répugnance et uniquement par dévouement fraternel. Il est maintenant un de nos médecins spécialistes les plus distingués. Il a la clientèle de l'aristocratie. Sur ce canevas, dit Boulimier en terminant, il est facile, je crois, de broder avec succès un récit où s'exerceront toutes vos qualités. Récit simple et touchant qui peut valoir au journal des abonnements d'hydrocéphale. Monsieur Didot sait remarquer le talent où il est. S'il voit cela, il vous protégera. Et vous pourrez devenir, vous aussi, une grosse tête de la maison. J'ai écrit la nouvelle dans le sens indiqué par Boulimier et je l'envoie. 8 jours après, je reçois une lettre. Monsieur, nous vous renvoyons la nouvelle. La tête d'Edgar que vous aviez confiée à Monsieur Boulimier. À côté de détails charmants et se jouant dans un cadre des plus heureux, nous avons remarqué une tendance à l'attendrissement qui vous fait le plus grand honneur. Mais c'est cet attendrissement même que nous redoutons pour nos lectrices frêles et sensibles. tous les petits cœurs en deviendraient gros. Vous m'avez comprise, j'en suis sûre. Vous qui cachez sous un nom d'homme la grâce d'une femme. » Agréée, la directrice Ernestina Garot. La grâce d'une femme? C'est possible. Quoique j'ai vraiment beaucoup de barbe et une culotte qui en a vu de dur et fait un sacré bourrelet par derrière. Bas les cœurs! J'ai fait connaissance de Mariani, qui était jadis chroniqueur à l'Illustration. Il fonde un journal hebdomadaire et il a demandé à Renoul quelques garçons de talent pour composer la rédaction. Il est vieux, mais il aime les jeunes. C'est un vieillard aimable qui m'accueille sans morgue et me demande ce que je vais faire. Il voit vite que je n'ai rien sur la planche et que je suis un novice, malgré le Pierrot, le journal de la cordonnerie et la Gazette du Grand Monde. Je m'ouvre à lui. Ma foi, monsieur, je ne sais rien faire de ce qu'on me demande. Je crois que je ne saurais bien faire que ce que je pense. J'ai eu tort de me lancer dans la carrière des lettres, mais ce n'est pas tout à fait exprès, c'est que je n'en ai pas d'autre. Vous n'avez pas de fortune ? Il y a trop de pitié dans son accent pour que je lui dise la vérité. J'aurais peur de paraître m'être ouvert à lui pour aboutir à une lâcheté de pauvre. Pas de fortune, non, mais j'ai quelques ressources, de quoi vivre. À la bonne heure. Sans cela, quelle vie, mon ami! Et il lève les bras au ciel en hochant sa tête honnête et blanche. S'il savait ce que j'ai déjà enduré, s'il voyait le fond de ma bourse. Eh bien, mais, dit-il en revenant à ma confession, vous ne savez faire que ce que vous pensez. Ce serait beaucoup, savez-vous. Tenez, moi je vous donne carte blanche. Vous pouvez prendre le sujet qu'il vous plaira et vous le traiterez comme vous voudrez. Faites ce que vous pensez. Je voulais vous offrir 2 sous la ligne, vous en aurez 3. 3 sous la ligne, 100 lignes, 15 francs. Cet homme a donc des millions à dépenser. Il a Rothschild derrière lui. Ce ne sera pas en pétant l'air, ni en escarpins, ni en pommade, ni en salaison que ma copie sera payée. Je toucherai de l'argent. Quel sujet, voyons, me demande Monsieur Mariani. Je ne sais trop. Avez-vous étudié telle ou telle question? Je n'ai rien étudié en particulier. Ni en général, il faut bien le dire, j'ai habité le quartier latin, on y étudie guère. Le quartier latin, voulez-vous le raconter? Est-ce entendu? Un article, 2, 3, si vous voulez, intitulé « La jeunesse des écoles ». Le titre vous va-t-il? Il sonne bien, en effet. Je suis rentrée chez moi tout émue. J'ai bien de la peine au commencement. Je veux toujours parler des gymnases antiques, des jeunes grecs, de la robe prétexte, etc., etc. C'est ma plume qui écrit tout cela contre mon gré. Elle se refuse à me laisser rentrer dans l'article, rien qu'avec mes souvenirs et mes idées. À moi, 20 traces, sans nom, sans le sou, qui ai mis mes pieds dans du vieux linge pour n'avoir pas froid en travaillant. Enfin, le voilà, mon article, tel qu'il est avec ses gribouillages. J'ai enlevé, comme des lambeaux de chair, quelques phrases douloureuses et brutales. J'arrive chez Mariani. « Vous ne pourrez jamais lire, » dis-je en déployant mon manuscrit. « Eh bien, lisez vous-même. » Je lis, très pâle, ma foi. Mais à mesure que je retrouve le fond de mon cœur à travers ces ratures et dans ces explosions de phrases, le sang me revient dans les veines et ma voix sonne haute et claire. Le rédacteur en chef m'écoute, l'œil tendu, et dit de temps en temps tout bas « C'est bien, bien !» J'ai fini, j'attends mon sort. Mon ami, vous avez écrit là un morceau qu'il ne faut pas perdre. Mettez-en les tranches dans votre poche et boutonnez bien votre habit par-dessus. Que les mouchards ne vous voient point. Il y a dans vos 300 lignes 3 ans de prison. Vous comprenez que je ne puis vous prendre un article qui a tant de choses dans le ventre. Je vous le paierai, et de grand cœur, mais je ne vous l'imprimerai pas. Alors il n'y a pas à me le payer. Pas de fausse honte. Il ne faut pas avoir travaillé pour rien. D'ailleurs, vous m'avez empoigné, je vous le promets, pour l'argent que je vous donnerai. Il y a de la verdeur et de la force là-dedans, savez-vous bien ? Je ne sais pas. Je sais seulement que c'est le fond de mon cœur. J'ai peint les dégoûts et les douleurs d'un étudiant de jadis, enterré dans l'insignifiance d'aujourd'hui. J'ai parlé de la politique et de la misère. Il faut attendre un nouveau régime. Je ne crois même pas qu'un journal républicain, politique, vous prendrait cette page ardente. Cependant, je vais vous donner un mot pour X. J'ai porté le mot. J'ai entrevu X entre deux portes. Ah, de la part de choses, laissez-moi votre copie. 8 jours après, je reçus avis que tout cautionné et tout républicain qu'on fût, on ne pouvait se hasarder à publier mon travail. Je ferais condamner le journal. Alors l'Empire a peur de ces 4 feuilles que j'ai écrites dans mon cabinet de 10 francs. J'ai repris ma copie. Je suis rentrée chez moi désespérée. Ce que je fais de personnel est dangereux. Ce que je fais sur le patron des autres est bête. Pour ne pas être l'obligé du journal et n'être pas payé d'une copie non publiée, j'ai proposé à M. Mariani de lui livrer le même nombre de lignes en prose possible. Tout de même, a-t-il dit, pour me couvrir vis-à-vis du bailleur de fonds. J'ai bâclé 2 ou 3 articles que je n'ai pas eu le courage de relire quand je les ai vus imprimés. Je serais honteux qu'on en parlât de ces articles, et je les cache comme des excréments. Le jour de la paix, on m'a soldé en grosses pièces de 100 sous, comme on paie à la campagne. Elle sut noire dans ma main fiévreuse. Une chance. Un ancien voisin de Sorbonne, au grand concours, un Charlemagne, Monin, me reconnaît et m'arrête. Il est ému. C'est bien toi qui as allumé le brûlot dans une petite machine à esprit de vin le jour de la composition de vers latin. C'est moi. Deschanel, qui était de garde, dit « Ouvrez les fenêtres, d'où vient cette odeur moderne ?» Et elle était bonne, ton eau de vie. Tu sais que je suis maintenant directeur de la revue de la jeunesse. Veux-tu faire la chronique ? C'est bien toi qui as allumé le brûlot. Oui, oui. Et c'est sérieux, ton offre de chronique ? Elle paraîtra le 15, si tu veux. Viens un peu avant. J'arrive le 12 avec ma copie. Monin la lit avec des soubresauts et finit par la jeter sur la table. « Je ne peux pas publier ça. Tu éreintes, Nizar. C'est mon protecteur à l'école et je compte sur lui pour me faire recevoir à l'agrégation. » Et ce sont des jeunes. Oui, des jeunes qui ont besoin des vieux. Des jeunes qui n'ont pas le droit, ni le courage, ni l'envie de crier ce qu'ils pensent. Pourquoi ai-je mis les pieds dans ce métier, mon père? Pourquoi avez-vous commis le crime de ne pas me laisser devenir ouvrier? De quel droit m'avez-vous enchaîné à cette carrière de lâche? Laisse donc ta sacrée politique de côté et fais de la copie pour le pognon. Soit, je travaillerai pour le pognon. Je laisserai aller de la prose qui sera tout simplement une traînée d'encre. Mais par exemple, je ne signerai pas. Non, je ne signerai pas. J'avais mis mon nom au bas de l'article contre Nizar. Je prends un masque de carton maintenant. Je n'ai pas attendu, pâti, lutté pour aboutir à signer des niaiseries. on a consenti à me laisser prendre le masque de carton. À l'ombre de ces trois lettres, je travaille sans responsabilité. J'en livre pour l'argent qu'on me donne. Je ne relis pas la copie que je porte. Si par hasard c'est bon, tant mieux. Si c'est mauvais, tant pis. Il paraît qu'une fois ou deux, j'ai été intéressant, entre autres, le jour où j'ai parlé d'un mort célèbre dont j'avais connu la misère. C'est qu'il était mort, celui-là, et l'on pouvait le louer ou l'assommer sans crainte. J'avais laissé parler mon cœur, et on ne l'avait pas fait taire. Une semaine pourtant, celle où l'on a enterré un réactionnaire célèbre de 48, je suis sortie de mon insouciance et de mon dégoût, et j'ai demandé à avoir le champ libre. Je signerai cette fois, si l'on veut. Vas-y. Ah bien oui, j'ai encore mis des mots qui font bondir Mona. Je ne croyais pas que tu prendrais le sujet aux entrailles. On tuerait la revue si elle imprimait ton appel à la révolte. On tuerait la revue ? Eh, elle mourra ta revue. Elle mourra d'insignifiance et de lâcheté. Ne valait-il pas mieux la faire sauter comme un navire qui ne veut pas amener son pavillon ? Il faut attendre un nouveau régime. Voilà mon avenir. Vous perdez courage. Vous voulez lâcher la partie ? Ce n'est pas brave, me dit un homme de cœur qui essaie de me retenir et de me consoler. Encore un effort, me crie-t-il. J'irai voir P, qui a été déporté de décembre avec moi, et je lui demanderai qu'il vous fasse entrer dans le journal dont il est actionnaire. Il a demandé et obtenu. J'ai à faire une série d'articles sur les professeurs de l'Empire, comme celui que j'avais écrit sur Nizar. S'ils sont verts, on les prendra. Aussi verts que vous voudrez. J'étais à la besogne quand on a frappé à ma porte. C'est un professeur de Nantes, assez brave homme, qui m'aimait un peu et ne se moquait pas trop de ma mère. Je suis de passage à Paris et je me suis dit « J'irai serrer la main à mon ancien élève. » Merci. Et les affaires ? Vous n'êtes pas heureux, je vois ça. Ni heureux, ni malheureux. Qu'a-t-il besoin de mettre le doigt sur ma misère ? Est-ce qu'il vient pour m'offrir l'aumône ? Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Est-ce encore des petites machines comme les choses dans la revue de Mona ? Vous savez donc que j'écrivais ? Un ami de Monin qui est venu faire la troisième à Nantes nous l'a dit, mais je n'en ai pas été bien content entre nous. Vous, le républicain, vous avez été bien pâle. Je ne me suis même pas donné la peine de lui expliquer pourquoi il m'avait trouvé si pâle. Mais je lui ai lu l'article vert que j'étais en train d'écrire. Trouvez-vous ceci meilleur ? Certes, mon cher, c'est superbe. Quelques jours après, je sortais du journal où mon manuscrit avait été lu, même applaudi. J'avais vu à la façon dont les domestiques et les petits m'avaient salué quand j'étais sortie que j'avais pied dans la place. Mais j'ai trouvé une lettre de mon père en rentrant chez moi. « Monsieur Creton nous a dit que tu vas écrire contre les grands universitaires. Tu veux donc me faire destituer ? Quand paraît l'article ? Quand nous ôtes-tu le pain de la bouche ? Nous trouveras-tu un lit à l'hôpital après nous avoir jetés dans la rue ? C'est ainsi que tu nous récompenses de t'avoir fait donner de l'éducation. » Votre éducation, n'en parlons plus, s'il vous plaît. Je retirerai mes articles, je ne vous ôterai pas le pain de la bouche. Vous avez raison, ce serait la destitution et je ne pourrai pas vous trouver une place à l'hôpital. Il faut se faire des relations. Le Capé. Il y avait sous l'Odéon un petit journal qui pendait, le mouvement artistique et littéraire. Il ne tenait que par une patte. Le vent avait détaché l'une des pinces de bois qui le maintenait sur la ficelle. Il allait dégringoler et s'envoler, emporté par la bise qui s'engouffrait dans les galeries. Je suis venu à son secours. Le père Brasseur m'a remercié et du même coup, j'ai jeté un coup d'œil sur la feuille avant qu'on la rattachât à la ficelle. Ce doit être un groupe de garçons sérieux qui rédige le mouvement artistique et littéraire. Un des articles se termine ainsi. « Nous courons après des idées et non après des papillons. » Cette phrase indique des penseurs. L'envie me prend de voir ces jeunes courir après des idées. C'est au fond d'une cour, bien humide. Mon nez coule, j'en serai pour un mouchoir. Je pousse la porte. On ne court pas. C'est bien petit pour courir. On ne court pas. Au contraire, on est assis. Ils sont trois. Le rédacteur en chef, qui bégait. Le directeur, qui zézait. Et un troisième, qui a l'air de communier. Il ressemble à un enfant de cœur qui aurait les cheveux gris et la patte d'oie. Ou à une jeune fille qui se serait fait des moustaches et une barbiche avec du bouchon brûlé. On l'appelle Monsieur Le Capet. Il est maigre comme un salsifis et a bien la tournure d'un petit salsifis qu'on vient d'arracher d'un champ et qui est tout plein de terre, avec un petit fil qui le termine coquettement. Le Capet aussi a un fil qui pend de la doublure de sa redingote. Pourquoi ne boutonne-t-il pas sa chemise qui est toute ouverte par devant? Je vois son petit poitrail. Sa patte d'oie lui ride sa petite figure tout entière quand il rit. Quand j'étais enfant, dans les belles années de mon enfance, ma mère me donnait les pattes des volailles mortes. Elle s'en privait pour me les donner. Et je tirais un air qui faisait recroqueviller les griffes. C'était innocent et instructif. Tu apprends quelque chose au moins. Tu apprends le système nerveux des poules. La figure de Le Capet, quand il rit, ressemble à une patte de poulet qu'on tire. On ne voit que son œil, comme une prunelle de crevette, qui luit au-dessus d'un nez effilé et palot, et un bout de langue qu'il laisse passer entre ses dents. Ce qui est vraiment très enfantin et pas du tout déplaisant. Il tient d'une main fluette, maigre, grise, une paire de gants noirs qu'il secoue. Des gants qu'a écorché la vie, ridés comme son cou de dindonneau. Il est en train de réciter des vers. Jamais le lourd manteau du fourbe ou du sectaire, de ses plis ondoyants, n'a blessé mes bras nus. Il nous a dit cela en secouant ses gants comme la sonnette à l'élévation, et son petit bout de langue est sorti religieusement, comme pour qu'on y mette une hostie. Mais qu'entend-il par ses bras nus? Est-ce qu'il compte se promener les bras nus? Il doit avoir des bras comme des allumettes. Ça doit faire pitié, ses bras. Il ferait mieux d'avoir un tricot avec des manches. Oui, mon front est paré de grâce et de pudeur. Mais il est tout mâchuré, ton front. Quand courra-t-on après des idées? Ah, l'on aborde un sujet littéraire. Jusqu'à présent, on n'a pas fait attention à moi. Quand je suis entrée et qu'on m'a demandé ce que je voulais, j'ai expliqué que sous l'Odéon, le journal, ses articles graves... Enfin, j'avais eu l'idée de venir fraterniser avec des camarades de la République des Lettres. On ne m'a pas accueilli comme un frère. On n'a pas trop répondu grand-chose. Je pensais qu'ils auraient l'air plus flattés. C'est qu'aussi, je suis très mal mis. Pourtant, on me fait signe de m'asseoir sur une des deux chaises qu'il y a dans le bureau et l'on s'est remis à écouter Le Capet. Je me suis contentée de mettre une fesse, comme tout le monde, sur le rebord de quelque chose. Elle me fait mal, même au bout d'un moment. J'ai choisi une place très incommode. M'asseoir pour me refaire, je n'ose. J'aurai l'air dans cette chaise au milieu de la pièce d'un homme qui attend qu'on lui fasse la barbe. On m'a négligée, trop négligée. Pourtant, quand Le Capet est arrivé au manteau du fourbe, aux bras nus, au front paré de grâce et de pudeur, j'ai remué un peu. Le bois a crié. on s'est tourné vers moi avec humeur, comme si on ne me tolérait qu'à condition que je ne ferais entendre aucun bruit. Avec ça, ce soupir du bois était comme une plainte étouffée. Il y a eu doute dans l'esprit des assistants. Le capet a fini. Il remit son bout de langue, rabaisse ses paupières, dodeline sa petite tête et bat son genou pointu avec son gant fané. On reste un moment silencieux. Les yeux se tournent vers moi. Ça me gêne. On ne me questionne pas encore. Mais je suis tellement l'objet de la curiosité générale que je sens qu'il faut parler ou me brûler la cervelle. Messieurs, les sentiments qu'on vient d'exprimer sont tout à fait les miens. Tout à fait. Tout à fait. J'y mets de l'enthousiasme et je répète tout à fait d'un air crâne, presque provocateur. On ne répond rien. Si l'antre est un papillon, si on y souffrait les papillons dans cette maison, on entendrait le bruit de ses ailes. On a l'air stupéfait. L'idée du papillon qui passe me remet en selle. C'est une phrase qui est une théorie, un drapeau. Nous ne courons pas après les idées, mais après les papillons. J'ai su depuis que je m'étais trompée, c'était le contraire. « Nous n'avons pas dit cela, » bégait le rédacteur en chef. « Me serais-je trompé de coin ? » Je m'informe, comme si j'arrivais. « C'est bien ici le mouvement artistique et littéraire. »« Oui, monsieur. » Un oui très ferme et très carré. Ils ne renient pas leur logement. Ils ne rougissent pas de leur rez-de-chaussée. Ils mettraient « c'est ici » sur la porte en grosses lettres s'il n'y avait pas à craindre une fâcheuse confusion. « Eh bien, n'avez-vous pas eu l'honneur d'écrire que vous ne courriez pas après ci, après ça ?» Je mets tous les papillons, les idées, papi-idées, paillons, papi-pa-pa-pardon. Les yeux du rédacteur en chef jettent des flammes. Il croit que j'imite le bègue pour me moquer de lui. Une querelle va s'en suivre. Il y a un duel de bègues dans l'air, d'un vrai et d'un faux bègue. Situation triste, malentendu pénible. Enfin, qu'êtes-vous venu faire ici ? On s'avance vers moi. Fraterniser, fra... Le bègue ne peut pas finir. Monsieur, mon père était officier de la garde républicaine, dit celui qui zaisait. Et on a l'habitude dans ma famille de corriger les insolents ou de flanquer à la porte les idiots. Qu'êtes-vous, un malotru ou un imbécile ? Je ne veux pas y mettre d'animosité ni d'orgueil, de la franchise seulement. Monsieur, je suis un imbécile. Je donne cela comme ma profession, sans rougir. Pourquoi rougirais-je ? Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens. Une fois que j'ai joué carte sur table, je me suis sentie plus à l'aise. On savait qui j'étais maintenant, sans avoir malheureusement d'adresse à distribuer. Je pense qu'on pouvait me croire sur parole, et quelle raison avais-je d'abuser de la bonne foi des gens ? Je ne prenais donc personne en traître, et fort de ma franchise, je retrouvais de l'assurance. Si votre père était officier de la garde républicaine, c'est que probablement il était républicain. Ce n'était pas une raison. Cependant, je m'appuyais là-dessus pour dire que j'étais républicain aussi. J'appartenais à une bande dont on avait parlé au cours Michelet, aux manifestations et au 2 décembre. Vous connaissez... C'est... Comment vous appelez-vous ? Jacques Vintras. Il fallait donc le dire. C'est vous qui rappelez les Saint-Vincent pour leur donner des coups de pied au cul. Je rougis timidement. J'ai toujours eu des scrupules de conscience à cet endroit. J'ai ce coup de pied au cul sur le cœur. C'est vous qui avez voulu enlever l'empereur ? Et ils en comptent encore d'autres. Ils savent ma vie d'émeutier mieux que moi. Ils connaissent des amis de nos amis. Boulimier est venu leur apporter des verres. « Monsieur, » dit Le Capet après un instant de recueillement, d'une voix douce et les yeux baissés. « Vous n'avez pas senti ce que vous avez d'idéal en vous se troubler quand vous avez prié ce jeune homme de Saint-Vincent de prendre une attitude qui répondit au concept de votre intelligence à ce moment ?»« Je n'ai rien senti, peut-être un peu d'engourdissement. »« Dans les facultés de votre âme ?»« Non, au bout du pied qui avait frappé. J'avais tapé sur l'os probablement. » C'est un os spécial qu'il ne faut pas prendre en biais. Quand on le prend en biais, on court le risque de se blesser. Le Capet me remercie d'un air séraphique et a l'air de se parler à lui-même. J'ai revu souvent Le Capet. Chaque fois que je l'ai revu, il lui manquait un lacet à ses souliers, des boutons à son paletot. Il avait du noir sur le front. Ses cheveux faisaient une petite queue par derrière, et sa cravate était nouée sur le côté. On voyait souvent son petit poitrail. Il a toujours un parapluie dont les baleines sont cassées, et un gros livre sous le bras droit, où il met l'état de son âme. Le Capet écrit tous les soirs ce que son âme a fait dans la journée. Quand il en oublie, il pique des renvois. Il doit se tromper de temps en temps aussi, mettre l'état de l'âme d'un autre par inadvertance, ou bien mettre l'état d'autre chose que son âme, faire erreur, car comment s'expliquer les ratures de son manuscrit? Son âme fait ceci ou cela, il n'y a pas à dire, et pas à se tromper. C'est peut-être la faute du papier buvard. Il paraît que ce papier buvard lui a déjà joué de mauvais tours. Il a fait des pâtés dans certains endroits en essuyant des pensées trop fraîches. Ailleurs, il a brouillé les lettres et Le Capet ne s'y reconnaît plus. Il met des notes dans ce cas. Je ne réponds pas de ce qui est sous le pâté. Je ne puis engager la virginité de ma pensée à l'endroit où il y a une tache de café, ni à la place où un peu de jaune d'œuf est tombé par mégarde un jour de rêverie. Pendant longtemps, son âme a senti la salade de chicorée. Nous avions pris son livre d'âme dans sa poche et nous l'avions frotté d'ail. Il nous arriva rêveur quelques jours après. Il y a, dit-il, une mystérieuse corrélation entre les phénomènes moraux et les phénomènes physiques. J'avais pensé tout un jour à l'idolâtrie végétale des Égyptiens qui adoraient les légumes, et au poulet qu'égorgeaient les augures. Il en est resté, dans ma pensée et mon livre, ce jour-là. Une odeur de chapon et comme un parfum d'oignon sacré. La tête dans la main. Ceci prouve bien que j'ai une âme.